Et bonsoir à tous, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, il est 21h passé de 11 minutes et vous nous retrouvez sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 pour cette première émission de Campus Hi-Fi. Salut. Alors, Campus Hi-Fi, ça va être votre rendez-vous mensuel dédié à la culture dub et à l'univers sound system autour de Montpellier. On va se retrouver tous les derniers lundis de chaque mois, à peu près, de 21h jusqu'à 23h et des brouettes. Et pour pas vous mentir, on a préparé ça vraiment bien. Je dis « on » car on est plusieurs autour de cette table. Je vais présenter d'abord mon équipe. En premier, Yanis. Salut, salut. Ben, moi, du coup, c'est Yanis, je suis sound system là à côté. Et ça fait super plaisir d'être avec vous ce soir. À côté, il y a moi, donc Romain, qui fait partie de l'équipe Campus Hi-Fi. On va s'arrêter là. Super, porté par l'amour du dub. Exactement. Parfait. Du coup, bonsoir, moi c'est Ludovic. Pareil, sound system Lakota, passionné par le dub également. Voilà, on va passer un bon moment, je pense. Je pense aussi, on a un bon programme aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on fera des chroniques, on va revenir dessus, hein, des chroniques, un point sur l'actu, sur l'agenda. Et on a aussi des invités avec nous, on a une partie du crew South Attack Sound System avec Max, David et Hugo. Salut, salut les gars. Salut. Hello. Merci d'être, d'être avec nous. Hein, et vous nous ferez une session, Max tout à l'heure, tu nous feras une session... Une session live sur la Korg. Voilà, ce exactement. Sera à retrouver sur le live stream Facebook. Juste avant, on fera une petite interview pour en savoir plus sur votre crew, sur votre sound system. Alors aujourd'hui au programme, Romain, tu vas revenir sur une petite anecdote historique du dub. Exactement, le retour aux sources un peu pour savoir d'où ça vient, ce que c'est et un peu les influences qui ont mené ce mouvement à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, ce sera tout à l'heure pour le petit point historique. On retrouvera également l'agenda de Yanis pour savoir dans quelle soirée vous serez susceptible de nous croiser. Il y a du lourd à venir. Ouais, il y a du très très sale jusqu'à la prochaine émission. Énormément de soirées, un truc quasiment tous les week-ends. Ça, c'est cool. Donc ce sera l'agenda à retrouver tout à l'heure. Et on aura aussi notre chronique coup de cœur où le concept est simple. On a chacun choisi un morceau que l'on aime particulièrement et on va devoir vous le présenter et pourquoi on l'a choisi, bien sûr. On les écoutera aussi parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et enfin, Ludo nous fera un petit point sur l'actu, sur ce qui s'est passé de chaud, les sorties. Le plus neuf du plus neuf du dub. C'est parfait. Voilà pour cette première partie d'émission. Et donc en seconde partie, on retrouvera South Attack Sound System en interview d'abord, puis ensuite en session. Alors je vous propose du coup de faire une petite pause musicale histoire de bien rentrer dans l'émission avec un morceau de Alpha Stepa, Rafa and Stepa. It's gonna get rough. It's gonna get the rough. The going is tough. It's gonna get tougher. The going is rough. It's gonna get the rough. The going is tough. It's gonna get tougher. Et c'était donc Alpha Steppa avec le morceau Rufa and Tuffa et non pas Rufa and Steppa. Vous écoutez donc Campus Hi-Fi pour notre première émission et on va tout de suite passer à notre première chronique du jour sur le dub et ses origines, pas ses origines, sur le dub, son vocabulaire. Ring me along, and not a sound is dying. Oh, hey, hey. Alors du coup, avant de passer à la chronique de Romain sur l'historique du dub, j'ai d'abord une petite question, histoire qu'on parle bien de la même chose, qu'on soit d'accord entre nous. Est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est le dub, quand même? Romain? Alors, pour moi, le dub, c'est avant tout une version remixée du reggae, qui fait ressortir les basses et qui met en avant les percussions, ce qui donne quand même un style musical plus dansant, de mon goût, hein, et plus énergétique, qui est pour moi idéal pour une bonne soirée festive entre bonne humeur et convivialité. Oh, la petite phrase préparée, c'est beau. C'est beau. Enfin, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Vous, peut-être, les gars, sur s'attaque ou... Ah, on vous laisse commencer. Ouais. Bah, principalement de la basse quand même, hein. Enfin, principalement. C'est ça qu'on aime, je pense, en particulier, tous les gros sons de système. Mais après, tout le reste par-dessus, ça reste de la musique quand même, hein. Pas juste de bouh. Voilà. De la musique avec tout son univers. Le dub, c'est aussi, avant tout, ouais, comme tu l'as dit, Romain, une technique de mixage à la base qui s'est appliquée sur le reggae, où on prenait les pistes séparément, on en mutait quelques-unes, on mettait en avant, en principe, la basse et la batterie. Et voilà, et on appliquait beaucoup d'effets aussi. Et j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure dans la chronique historique. Alors, on vous a également préparé un petit point vocabulaire, parce que autour de l'univers dub et sound system, il y a tout un vocabulaire justement. Mais d'abord, ce qui serait bien serait de définir ce qu'est un sound system. Alors je vais essayer de vous définir un sound system d'une manière assez concise, parce que c'est un sujet assez fat et on pourrait facilement y consacrer toute une émission. Donc un sound system, c'est quoi? C'est l'ensemble du matériel de presta, donc collectif, donc des lumières à la déco, en passant des amplis à la sono. Donc on va un peu s'attarder sur la sono et voir ce qui la compose. Donc le système son, c'est toujours décomposé en plusieurs voix, basse, médium, aiguë. Il peut y avoir une partie kick, c'est optionnel. Historiquement, la partie basse des sound systems de reggae sont très souvent composés de scoops. Donc pour l'aspect technique, c'est une charge TL, donc une sorte de labyrinthe acoustique suivi d'un long pavillon en forme de toboggan. Pour l'aspect historique, on utilise énormément ce genre de charge pour son rendement dans les basses fréquences. Et il y a pas mal de grosses marques comme JBL qui en ont produit dans les années 80. Mais les scoops ont progressivement disparu des catalogues indus pour laisser place à d'autres charges à cause de son manque de précision principalement. Il reste quand même le caisson le plus indémodable de la scène dub, avec sa base vraiment ronde et une grosse portée de frappe. Le scoop, c'est la plus grosse référence qu'on peut voir sur la base de nombreux murs, dont le nôtre, hein, ouais. La Kota 4 scoops. 4 scoops quand même. South Attack aussi. Et South Attack, on y arrive, évidemment. On y arrive. L'année prochaine, on a les 4. Donc, pour l'aspect humain, on retrouve 3 personnages importants dans le collectif, le MC, l'opérateur et le Selecta. Donc le MC ou maître de cérémonie, c'est celui qui va s'occuper de chauffer la foule. Armé de son micro, il n'hésite pas à faire un pull-up s'il estime que l'ambiance n'est pas aussi chaude que la track choisie par le Selecta. Le pull-up, juste, c'est quand on remet le morceau au début, en fait. Ouais, exactement, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Donc, Le secta, c'est le cœur de la soirée, c'est lui qui collectionne et joue les scuds. Il guette la moindre sortie et fouine dans les bacs à la recherche du son parfait. Et pour finir, l'opérateur, c'est le technicien de la soirée. Il traite le son aux commandes des préamplis en jouant avec les échos, les reverbs et la sirène. Ça lui donne un contrôle total sur le mur. Merci beaucoup Yannis pour ce petit point technique. On voit que tu fais une école de son. Hein. Ah oui, la crème multimédia. Alors du coup, donc on retrouve, après avoir parlé justement des personnes qui font le sound system, il y a aussi un élément très caractéristique du sound system, c'est les dub plates. Exactement, les dub plates donc, qui sont les morceaux joués sur ces sound systems qui étaient à l'origine une version unique d'un morceau qui était destiné à être passé en sound system afin d'évaluer la réaction du public en vue de la future commercialisation du morceau en fait, sous forme de vinyle, donc souvent des 45 tours à l'époque. Aujourd'hui, la définition a été un petit peu modifiée puisque ça désigne plus un morceau exclusivement dédié à un sound system dans lequel les voix des MC ont été modifiées dans le but de rendre hommage au sound system concerné. Donc voilà, cette évolution qu'il y a eu un petit peu dans la définition donne un nouvel aspect à ce mot. Alors dans le dub, on retrouve aussi plusieurs rythmiques puisqu'à la base, c'est vraiment une technique de mix du reggae, donc c'est les rythmiques reggae surtout qu'on trouve en majorité, à savoir le one drop, le rub dub par exemple, ou le rocker, celui je pense dont on va le plus parler dans cette émission. Le rocker, c'est aussi le stepper, hein. Donc c'est des rythmiques issues du reggae. Le one drop, c'est surtout la période roots, hein. Bob Marley par exemple faisait beaucoup de one drop. Le temps fort est marqué avec la caisse claire sur le troisième temps. Pour le rocker, les temps sont marqués à la batterie et on trouve aussi le dancehall ou d'autres rythmiques comme le digital aussi qui peut être du stepper où les rythmes sont entièrement, enfin les percussions sont entièrement composées à la boîte à rythme. On a aussi du coup, après avoir parlé des rythmiques, l'élément essentiel du dub peut-être. Exactement, et du reggae qui s'appelle donc le skank, qu'on retrouve, c'est la note bien appuyée sur le deuxième et quatrième temps, donc qui est mis en avant généralement par une guitare ou un synthétiseur. Alors on retrouve également, donc tout à l'heure tu parlais des dub plates, on a un truc un peu similaire, c'est aussi les riddim. Alors c'est pas propre au dub, ça vient du reggae, hein. Le riddim, ça vient de la déformation de l'anglais rhythm, rythme. Donc comme son nom l'indique, c'est la partie rythmique du morceau. Donc on y retrouve surtout le skank qui marque beaucoup le temps dans le reggae, accompagné de la ligne de basse, hein. On retrouve donc ces rythmes interprétés et réinterprétés par plein d'artistes. Alors j'ai quelques exemples avec vous, avec le Declaration of Right Rhythm des Abyssinians. On retrouve ensuite la version de Johnny Clark. De rythmes qui se ressemblent, enfin le même rythme du coup, et de morceaux qui se ressemblent énormément. Il y a d'autres versions qui prennent un peu plus de liberté. Là j'ai un extrait, un rythme de Half Pint avec le morceau Higher. Alors voilà pour le rythme. Alors un autre truc aussi du sound system, les fameux sound clash et les dub meetings. Alors en effet, ouais, les dub meetings, c'est un rassemblement de minimum deux sound system, sinon c'est pas un rassemblement, ça ressemble rarement tout seul. Enfin bref. Et du coup c'est ils peuvent fonctionner soit ensemble ou alors à tour de rôle. Et les MC, enfin les selecta pardon, vont balancer leur son, etc. Les MC de chaque sound system vont être invités à chanter par-dessus les uns après les autres. Ensuite, du coup, il y a les dub clash, où là justement c'était bon, à l'origine en Jamaïque c'était souvent des sound system qui, enfin pas s'opposaient, mais chacun son tour voulait montrer qu'il était plus fort que l'autre, etc. Aujourd'hui, maintenant en France, on a des soirées comme les dub master clash. C'est un peu le même principe, mais ça reste, enfin, c'est moins dans la concurrence. Moins compétitif. Ouais. Non, c'est vrai qu'à l'époque des sound clash, ça y allait vraiment à faire des morceaux, ça détruisait les autres sound systems et c'était parce qu'il y avait énormément de sound systems en Jamaïque. Chaque quartier avait son sound system à Kingston. Et oui, c'est aussi un élément marquant du reggae qui est surtout prononcé dans la période dancehall à partir des années 80-90. Voilà, c'est là où on retrouve le plus de dub clash. On va passer à une petite pause musicale avant de parler justement de l'invention du dub avec Romain. On va s'écouter un morceau du grand Lee Scratch Perry qu'on ne présente plus, hein, Megaton Bomb. Hello. Hey. Amba. Buju. Buju. Bochi. Buju. Look at you, my boy. Then boy, then we are good friends. We share the yen, we share the Jamaican dollars. We share the pounds, the shillings and the pence. Stand it down, we don't tell you one opinion. You gonna revolute, we can't kill you shoot. Who's gonna fly away through our parachute? And see the kick down some with a big boot. Hey, I'm never done. Make a drum up and go rap a bam bam. Oh, mega ton, what a pam, in a Uncle Sam, in a USC, I see, presto, First turn I change, I rearrange, I make over and take over. Then I bake over and shake over and quake USA. The Megaton, Megaton boom boom. Lee Scott Pay and the Mad Puppets and the Robot. 35 show I hear in USA. Yes, I, Lee Scratch Perry avec le morceau Megaton Bomb sur Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Morceau qui est sorti de son album Who Put the Voodoo on Reggae, qui a été sorti en 96 et produit par Mad Professor. On retrouve Romain maintenant avec la chronique sur l'histoire du dub. Tout commence dans les années 1950 en Jamaïque, dans l'atelier d'un brillant inventeur du nom Dudley Jones. Ce dernier a pour idée de créer un amplificateur qui permettrait de séparer les aigus des basses et des médiums, afin d'obtenir un son de la meilleure qualité possible, presque digne d'un live. Très vite, la qualité sonore de l'appareil va attirer les foules vers sa boutique, si bien que le gérant d'un magasin voisin, nommé Tom Wong, va lui demander de lui construire le même ampli. Et une fois en sa possession, ce dernier va le nommer Sound System. Et c'est donc un terme qui va rester au fil des années, jusqu'à aujourd'hui encore, où on l'entend très régulièrement. C'est ainsi que le premier Sound System vu le jour, avec pour nom de scène Tom the Great Sebastian. Y voyant un business assez prometteur, l'apprenti Dudley Jones commence à commercialiser ce principe. Et très vite, ça devient très populaire et attire les foules relativement pauvres, ne pouvant se payer des soirées dans les opéras ou en discothèque. Cela devient donc un lieu de retrouvailles où l'on danse et où l'on décompresse de sa semaine de travail. On passe du reggae, par-dessus lesquels des MC rappent leurs textes, genre musical connu sous le nom de dancehall, dont on connaît certains morceaux qui sont devenus assez connus, notamment celui de Yellow Man. Zumbo, zumbo, go, zumbo, zen. Zumbo, zumbo, go, zumbo, zen. Jump fi happiness and jump fi joy. You know fi call yellow man no boy. Lady and they used to take fi tire. Brave guy lord him call him child. You know fi call yellow man no boy. You know fi call John John no boy. You know fi take iron knife fi boy. Et l'évolution du dancehall va plus tard donner le raga, version plus électronique du style. Les sound systems influenceront beaucoup d'autres styles musicaux, comme la techno ou même la dubstep, et donnera même naissance à un genre musical qui est bien connu aujourd'hui, le hip-hop. On assistera de plus en plus à la création de morceaux dédiés uniquement à ces soirées, les dub plates. Et c'est ainsi que dans la fin des années 1960, et plus précisément dans l'année 1968, que l'enregistrement d'un de ces dub plates prit une nouvelle tournure. Lors de la gravure d'un des tubes des Paragons, un problème survient dans l'enregistrement des voix et donne un morceau uniquement musical. Étant destiné au sound system Supreme Ruler of Sound, le disque jockey de ce dernier décide de conserver l'enregistrement sans le modifier et le passe lors d'une soirée. Le public est très réceptif à ce nouveau style et l'idée vient alors de produire de nouvelles versions. C'est donc dans le studio de Duke Reid, fameux producteur jamaïcain, dans lequel le morceau mal gravé avait été enregistré, qu'un nouveau genre musical va naître, pardon. Et il s'agit du dub. Le stagiaire de ce studio, nommé King Tubby, va remodeler ses morceaux en augmentant les sons de basse, de batterie et en rajoutant des effets tels que la réverb, les échos ou du délai, afin de cacher les voix et donner un style particulier à cette musique. Duke Reid prendra rapidement l'habitude de faire gravir la version dub du morceau en face B des vinyles, habitude qui va rester au fil du temps pour une majeure partie des maisons de production. On écoute donc un des premiers morceaux remixés par King Tubby, accompagné du groupe de Lee Scratch Perry, The Upsetters, issu de l'album At the Roots of Dub, sorti en 1974, et le morceau s'appelle Blood of Africa. We'll be right back. King to be meets the Upsetter avec l'album donc King to be meets the Upsetter at the Grassroots of Dub. On va passer maintenant au point actualité avec Ludo. What the time you have the dress? 12 o'clock Nati. Alors le point sur les sorties récentes et à venir. Après, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein. J'ai pas épluché toutes les sorties du monde à ce moment-là, mais j'ai fait le mieux possible. Donc le 1er octobre, il y a Ashkabad qui sort l'album Reptile chez ODG Prod. Son dernier album était International Skankers, qui était sorti en octobre 2016. Yes. Les morceaux portaient des noms de villes tout autour du monde. Donc, par exemple, il y avait Kinshasa, on retrouvait pas mal de samples traditionnels dedans. Donc moi c'est un album que j'avais trouvé très original et recherché, une espèce d'invitation au voyage. Je pense qu'on retrouvera aisément ces valeurs dans le futur album Reptile. Donc moi j'aime bien cette idée de voyager un peu sans bouger, on se pose dans son hamac avec son casque et on se laisse porter voilà, sur de la bonne musique. Toujours chez ODG Prod, il y a Artix qui a sorti une mixtape du nom de The Lost Theories, où il reprend à sa source des morceaux de Stand Eye Patrol ou encore des Mongo Zi-Fi, pour ne citer que. En effet, on retrouve son fameux Melodica dans toutes les reprises qu'il peut reprendre du coup. Ensuite, nous avons le violoniste le plus connu de la scène dub, je parle de Razdivarius, qui lui a sorti deux tunes sur SoundCloud et Bandcamp. Il a annoncé sur Facebook un total de 6 morceaux, dont 3 en collaboration. Les morceaux présents sur les plateformes d'écoute sont Looking for Peace et All West, des sons très mélodiques de par la présence de violon. Alors d'après ce qu'il a dit sur Facebook, il a été en Bretagne, il a trouvé l'inspiration là-bas. Et ça explique le nom des tracks, apparemment une track qui s'appelle The Brittany. Voilà, la Bretagne ça vous gagne. Hein. Beaucoup de monde trouve l'inspiration en Bretagne, visiblement. On m'a-t-on dit. Pour revenir sur le label ODG Prod, qui sort régulièrement et encore tout le temps, il y a l'italien Pablo Raster qui a sorti très récemment, même quelques jours, peut-être 2-3 jours il me semble, l'album Fairy Tales in Dub. Donc un album que je qualifierais d'un un peu perché et spirituel, qui est à la fois planant et à la fois très entraînant, stepper vraiment profond de basse, vraiment. Je sais pas, enfin je vous ferai écouter un extrait, donc l'extrait c'est le premier morceau d'Alice in Wonderland. Et voilà, faites-vous une idée. On peut également noter la sortie de la toute première dubplate d'un futur grand nom du dub, enfin on l'espère, hein. Je parlais bien évidemment de Will Daga, qui est d'ailleurs présent autour de cette table et qui répond au nom de Cédric, animateur de Campus Hi-Fi. Bah ouais, tout dépend. À retrouver sur SoundCloud. Ouais, ou alors peut-être devant la sono des Lakota Sound System, m'a-t-on dit peut-être le 19 ou 20 octobre dans la garrigue, on n'en dit pas plus. Et donc voilà, on parlait de Razdivarius, donc je vais vous faire écouter le morceau Looking for Peace. Ras Divarius, Looking for Peace. C'est Campus Hi-Fi, il est 21h48, on va passer à notre rubrique Coup de cœur. Alors la rubrique coup de cœur, donc on a choisi, qu'on va faire ça chaque semaine, un morceau par personne du coup, qu'on va présenter dans un premier temps, et on va se l'écouter, et ensuite on va devoir dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce dub là particulièrement. Yanis, tu commences ? Ok, ouais, bon ben bah, pour cette première émission, moi je vais attaquer avec, avec du classique, hein, du basique. Donc Welcome to Jamrock de Damian Marley, donc un des fils de Bob Marley comme son nom l'indique. Donc on va écouter de ça tout de suite et on en parlera un peu après. Ça marche. Another daylight gone by. 2 years were ushered dead by unknown assailants in Kingston. Out in the street, they call it murder. Jamrock, jump where the thugs and camp at. Two pounder within a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. Melody, your girlfriend contact some boy, not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. Son of a da post off if you're down top it. Rastafari stands alone. Hey. They call it murder. To jam down, poor people are dead at random. Political violence can't done. Peer ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down do nothing at all. Come on, let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Et voilà, donc c'était Damian Marley, Welcome to Jamrock, donc troisième track de l'album du même nom, produit en 2005 avec son frère Stephen, où il nous raconte donc la vie difficile dans les ghettos jamaïcains, donc entre le trafic d'herbe, la violence dans les gangs locaux, la corruption politique, tout ça dans sa visualisation de Jamrock, opposé à la Jamaïque touristique. Donc pour les amateurs, vous avez peut-être reconnu le rythme World of Reggae de Ayana Ikazomi. Et donc une petite anecdote, on peut entendre le sample Out in the Street des Call It Murder, donc dans le contexte de Jamrock, qui peut signifier une référence au meurtre, mais remis dans le contexte de la musique originale, donc murder avec un D devient murder avec TH, ce qui signifie un état d'extase après une grosse consommation d'herbe. Donc voilà, bah, si vous voulez réagir. Ou... Le pouvoir du sample. Bah écoute, ouais. Voilà, classique. Donc. Et l'anecdote est hyper intéressante, je trouve. Oh, ouais, donc du coup, c'est à moi de désigner qui c'est qui va faire le prochain coup de cœur. Bah, Romain, je sens chaud. Alors, moi, je vous ai choisi un petit duplate des Brainless Sound System. Avec à la voix Sand City, et le morceau s'appelle Dub a Dub. Je vous propose donc de l'écouter. Boom, this is the original Dub a Dub definition. The Sand City and I are here massive in a deep Dub a Dub style. The brainless sound is the one champion sound. The stand up and listen to the bass in a Dub a Dub style. This one made by brainless in a Dub a Dub style. This music that you bless in a Dub a Dub style, which make our happiness. Stand up and listen to the bass in a Dub a Dub style. This one made by brainless in a Dub a Dub style. This music that you bless in a Dub a Dub style, which make our happiness. We better turn it and listen to my robot dub machinery. C'était donc Dub a Dub de Brainless Sound System avec comme MC Sand City, et qui nous offre un vocal d'exception à mon goût. Sand City, c'est un super MC, je trouve. Exactement, il n'est pas tout seul sur ce Sound System. Il est avec Grubenton. Merci. Et Shiva, je crois, des fois, MC Shiva. Voilà, donc voilà. Avoir Brainless Sound System, vraiment un très bon sound system, à la fois pour les deux plates comme pour les caissons. Pour les caissons, ouais. Donc, exactement. Donc c'est pour une raison assez simple que j'ai choisi ce morceau, c'est qu'il passe régulièrement en sound system, que ce soit sur le sound system de Brainless ou sur celui notamment d'After All dans le sud qu'on retrouve souvent. Et c'est un morceau du coup que j'adore, qui amène toujours de la bonne vibe à la soirée, qui amène aussi de l'énergie et vraiment de l'entrain à mon goût. C'est vraiment un morceau super. Donc en parlant de morceau super, je vais demander à Ludo sa version d'un morceau super qu'il nous a choisi aujourd'hui. Un morceau super pour moi, qu'est-ce que c'est? Alors moi, mon coup de cœur du mois, c'est un son de Candy Dub. Donc à l'opposé de Romain, ça va être un son qui sera beaucoup plus calme. Donc ils sont en featuring avec Jazz et le morceau s'appelle Tales of Youth. Voilà, c'était mon coup de cœur du mois, donc Candy Dub avec Jazz, et le morceau qui s'appelait Tale of Youth. Donc, c'est un morceau, comme vous l'avez vu, qui était quand même assez lent. Donc moi, je choisis ce morceau car je pense à vous, hein, après votre dure journée de travail dans la Babylon Society. Je me dis qu'il faudrait quand même que ce serait temps de se relaxer, de se mettre de bonne humeur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, et je souhaite qu'il en soit de même pour vous. Bon, j'espère que Cédric choisira un morceau dans les mêmes vibes. En tout cas, on va voir. Bah écoute, mon morceau, ça va être un remix du groupe Travelers Alors Travelers, c'est un projet dub de Bordeaux. Ils ont sorti un album en septembre 2017 sur le web label ODG Prod. Album qui s'appelle Welcome to the Unknown. Si vous le connaissez pas, il faut aller l'écouter de suite. Et donc cet album, il est tellement bon qu'il a été remixé par plein d'artistes d'ODG Prod, dont On Dub Ground, Triakis Dub Destroyer ou encore Panda Dub. Et c'est justement ce remix du morceau de Panda, enfin le remix de Panda Dub du morceau Situation que je vais vous faire écouter. Sometimes I do the wrong choice, don't you? Oh, oh, oh. I know, yeah, we know, never mind. Travelers, I fear rock, oh, travelers, I fear coming. Taking off your rock, oh, taking off your coming, yes. Travelers, I fear rock. Oh, travelers, I feel coming. I said, picking off your rock. Oh, picking off your coming. Yes, he wants me to the dance floor. Oh, watch the girl. Dub, morceau remix du groupe Travelers, Situation. Donc, j'ai choisi ce morceau parce que d'abord je trouve que le morceau original est incroyable et quand on y ajoute la patte de Panda Dub, ça devient encore mieux. Voilà, je trouve que pour ce remix, vraiment les samples qu'il a choisi, Panda Dub, c'est vraiment les plus pertinents du morceau. Et voilà, je vous invite à écouter l'original et à réécouter ce remix. J'approuve. Sans transition, on va passer au point agenda. Ok, donc on passe à l'agenda. Donc vous allez voir, hein, comme je disais tout à l'heure, donc il y a pas mal de trucs prévus pour ce mois-ci sur la scène montpelliéraine. Donc tous les week-ends il se passe quelque chose. Donc vendredi 28 septembre, Panda Dub et ODG qu'on présente plus, hein, accompagné du jeune producteur montpelliérain Bizou. Et donc ça se passe à Victoire 2 au tarif de 22 euros. Samedi 29 septembre, Roots of Dub au Meloman Club avec le Melo Sound, Selectasis, Lunar Dub et bien sûr South Attack hein, qui sont avec nous ce soir, que vous verrez jouer en exclusivité après l'interview. Donc samedi 6 octobre, la première basse pressure, donc Meeting Jawork Promotion et Roots Power. 12 coupes qui vont faire trembler Victoire 2 encore une fois au tarif d'un euro par basse, donc 12 euros en pré-vente et 15 euros sur place. Donc samedi 13 octobre, 4ème Consensus Corner, Raz Daibi meet Salomon Heritage au Meloman Club. Et vendredi 19, donc Zenzile Dub et The Sagittarian à la salle de concert, le Somnambule à Gignac. Entre jazz jamaïcain, ska et dub expérimental qui dérive totalement vers d'autres styles musicaux totalement différents, c'est un événement à pas louper pour ceux qui aiment la prise de risque et l'innovation. Donc des tarifs qui varient entre 5 euros pour les moins de 18 ans et 15 euros à l'entrée. Voilà, donc c'est tout pour cet agenda jusqu'à la prochaine émission. C'est déjà pas mal. Alors j'ai aussi vu passer un petit événement sur Facebook, mais South Attack nous invitait à investir l'ODB demain, si je dis pas de bêtises. Yes, c'est ça. Ah, on aura l'occasion d'en reparler juste après. J'aimerais aussi revenir sur ce qui va se passer à Victoire 2, là, vendredi, du très très lourd. Panda Dub, Underground. Je pense que vous nous retrouverez là-bas. Bisous. Hein. Voilà, nous, on sera là-bas, en tout cas, c'est sûr. Et je vous annonce que Campus Hi-Fi et Radio Campus Montpellier ont deux places à vous faire gagner, chers auditeurs. Voilà, il faudra suivre la page Facebook de Radio Campus Montpellier. Demain, on postera le petit jeu. Voilà, pour cette sacrée soirée Panda Dub qu'on ne présente plus. Underground non plus. Et bisous, notre fierté le locale. French Dub, à ne petite pas touche électro, parfait. On va, juste avant de retrouver South Attack pour la petite interview et la grosse session, on va s'écouter justement un morceau d'Underground en featuring avec Panda Dub pour se mettre dans l'ambiance pour vendredi. C'est Deep Frequency. C'était Underground avec Panda Dub et le morceau Deep Frequencies. Tout de suite, on va retrouver nos invités South Attack pour l'interview. What's the time you have the dread? 12 o'clock, Nati. Roots. Ce soir, du coup, on a l'immense honneur de recevoir le crew montpelliérain South Attack Sound System avec plaisir, gros. Max, David et Hugo. Bah déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Vous êtes nos premiers invités. Ouais. Quel honneur. Alors, du coup, voilà, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Déjà, rapidement, si vous pouvez vous présenter, depuis combien de temps vous écoutez du dub chacun. Bon, on va commencer par moi. Du coup, Max ou Blaz Herba Vibration. Moi je suis un peu le liveur du crew sur Electribe, comme vous avez pu voir. Vous ferez écouter tout à l'heure, vous verrez bien. Du coup, moi c'est Hugo, je suis sélecteur. Et ça fait combien de temps que j'écoute du dub? Je sais pas, longtemps, très longtemps. Et voilà, on est là. C'est avec plaisir. Moi c'est David, c'est Lunar Dub, je suis sélecteur, je fais un peu de live aussi, et j'écoute du dub depuis, je sais pas, 10 ans. Trop longtemps pour compter quoi. Quand on aime on compte plus. Ouais, c'est ça. Alors du coup vous avez monté ensemble Il nous manque le quatrième membre qui n'est pas là. On va quand même. Alors Valet ou. Il a deux noms, c'est Dub Ray ou Guardians Dub. C'est notre technicien surtout qui était à l'école ACFA Multison aussi. Sans lui on serait un peu dans la merde. Ouais. C'est bien d'avoir des gens comme ça dans son crew, oui, dans son sono. Si Valet tu nous écoutes. T'as intérêt à nous écouter. T'es pas là mais on est là. Hein. Alors du coup, vous connaissez tous depuis longtemps, comment vous êtes rencontrés, comment est venue cette idée de monter le sound system? Pas si longtemps que ça au final. Au début, on avait deux sound systems différents. Le nôtre avec Valet, Dub Ray, s'appelait le 7ème son. Et au début, on faisait pas du dub, on était dans la musique, la techno, acide, tout ça. La jeunesse, quand on allait en teuf, en free, tout ça. Ça a commencé comme ça, de notre côté. Et nous on avait la passion du reggae et on s'est dit qu'on allait acheter quelques vinyles, tout ça. On n'a pas eu vraiment de sound system nous de notre côté, mais on avait juste une idée de sound system au début. Voilà. Et après on s'est surtout rencontré lui par rapport au lycée là où il était, il avait des amis qui nous ont fait rencontrer Valet. Et Valet nous a fait rencontrer Max. Et de fil en aiguille, voilà. Et plus on est prêt, plus on rit. Grosse connexion. C'est ça. Complètement. Sale dub, c'est des connexions, on peut créer des choses. Alors du coup, d'ailleurs, la connexion. C'est un gros big up à Salvache, excuse-moi, désolé, mais. On a le temps d'en parler. On parle des connexions. On va parler de tout à l'heure, notamment avec le label Subsquad Prod, on va en dire plus tout à l'heure. Juste deux, trois autres questions. Donc vous avez monté votre sound system, c'est il y a combien de temps? 2014, si. Ouais, à peu près. 2014. Le premier morceau de bois a été posé en 2014. Vous avez construit vous-même vos caissons? Oui, c'est exactement. Du maison. C'est ça. Ouais. C'est pas du maison. Même avec du bois récupéré. Je parle pas des scoops, hein, parce que. Des petites rechutes. Même dans le bois, on a des connexions. Alors, du coup, ce nom, ça où s'attaque, c'est. C'était... Qui c'est qui a eu l'idée de ce nom? Pourquoi d'où il vient ce nom? C'était plus moi qui avais introduit ce nom, mais c'était surtout parce qu'on cherchait un nom vraiment pour représenter notre activité dans le sud. On voulait vachement représenter ça. Et en vrai, c'est le seul nom que j'ai réussi à trouver moi de mon côté qui représentait assez ce que je voulais. Et après, on a gardé ça parce qu'on n'a pas vraiment eu d'autres idées au final. C'est pas forcément évident à plusieurs de trouver un nom. Il faut une entente pour tout le monde et tout. Il y a quelques références à un festival qu'on avait fait il y a longtemps qui s'appelait le South Bass Attack. Je sais pas, mais il n'existe plus depuis. Et on a dû s'inspirer de ça sans le savoir. On s'est rappelé de ça après. Alors avant il n'y avait pas un projet qui s'appelait Raspatouille, parce que quand on va sur le SoundCloud là c'est... Ouais ça c'est l'image qui n'a pas encore été enlevée parce qu'on n'a pas d'autres logos. En fait on a le logo mais on vient juste de le faire, donc du coup on ne l'a pas encore sorti, on voulait le sortir en même temps que le Mister, c'était son sorti de l'EP, mais bon il n'est jamais sorti cet EP non plus, donc l'image non plus. Il y en a un nouveau qui arrive. Et donc du coup ce projet, enfin c'était pas forcément un projet, c'était plus le nom qu'on voulait se donner quand on passait du son. C'est quand on avait commencé à avoir l'idée d'avoir ce sound system. Et quand il m'entend, je pense, ouais, c'est pas grave. Mais ouais, c'était sorti comme ça, c'était marrant. Alors du coup, bah, on va passer un peu sur la partie session. Donc vous avez deux Selecta. Vous avez du Live Machine du coup, Selecta vinyle. Oui. Pas du temps. La plupart dans du temps, dans les règles de l'or. Alors, on n'a pas de chanteur officiel, de MC officiel. Du coup, à chaque fois, on invite. On était beaucoup en open mic à l'époque, parce que on a tous nos amis, on a un cercle, c'est que des musiciens, surtout des rappeurs. Ouais, du coup, les potes de la cuite, de Montpellier aussi. Qui connaissent bien Radio Campus. Ouais, big up à eux. Et du coup, ce sera un petit appel justement s'il y a un. C'est ça, exactement. Si qui écoute, s'ils sont chauds. Prends la voiture, viens maintenant, c'est dans 15 minutes. Il reste pas beaucoup de temps. Alors, du coup, bon, on va parler du projet Sub Squad Prod que vous avez monté donc avec Salvage. Yeah, Salvace. Salvace. Vous connaissiez déjà avant, comment vous les avez rencontrés Justement, on parle de la Q8. On était allé les voir vite fait à l'ODB. Et j'ai un très bon pote, moi, qui fait partie de la Q8 et qui m'a présenté du coup Mitty de Salvace. Et on a direct bien accroché parce qu'on était exactement au même stade de notre projet. Et du coup, on a pu très vite avancer ensemble et dans la bonne direction, je pense. Et voilà, du coup, Subsquad, c'est un des cailloux qu'on a posé pour notre collaboration. Alors, Subsquad, du coup, on va décrire un peu le projet. C'est un web label qui s'est lancé donc, avec Salvace. Dans le but de faire, de donner une visibilité au sound system du Sud le plus possible. Après, c'est sûr que si on peut avoir quelques morceaux de plus gros sound system, pourquoi pas. Hein, mais... On se veut local de base, mais... Ah, parce que déjà, il y a déjà eu deux sorties du coup sur, c'est ça, ouais. Sur ce web label. D'ailleurs, je n'ai pas de site internet, mais on le trouve en tapant sur Google. C'est ça, en téléchargement gratuit, libre. Première compile, on retrouve quand même pas mal d'artistes. Hein. On a essayé de faire un gros truc au début. Et on est content que tout le monde ait répondu à l'appel. Vraiment. C'est les connexions du dub. Et le dub est une grande famille. Et justement, ouais, je me demandais, les artistes, vous les connaissiez tous avant ou vous les avez contactés comme ça et ils ont joué le jeu, ils avaient des morceaux à sortir? Moi, j'en connaissais peut-être 4 ou 5. Après voilà, c'est pas mal sur 12. On est 8 dans deux différents systèmes à connaître du monde qui connaît du monde qui connaît du monde, du coup ça va vite. Ça fait des connexions. Ok. Et ouais, du coup donc la collaboration, les artistes vous ont envoyé leurs morceaux et vous les avez rajoutés sur la compile ou enfin, c'était... Bah, on avait proposé le projet de faire un morceau inédit pour la compile. Et ça s'est fait en 3 mois, on a reçu, ou peut-être même plus. Ouais, il y a 3 mois, on a peut-être reçu les morceaux, plus le mastering général. Ça a repris encore 2 mois de plus. Un projet qui a mis un peu de temps quand même à se lancer. Le premier, c'est normal. Tout à fait. Il y a une deuxième sortie du coup sur ce web label. Là, on a parlé de la compilation, mais il y a eu... C'est la sortie des Salvace, du coup, qui a proposé à Koe Wadub, Ashkabad, et le dernier, c'est Loba aussi. Ouais, Loba. Ouais, c'est Loba. Ouais, j'ai pas envie de me tromper, mais c'est peut-être juste. Du coup, de faire un remix de leur morceau qui s'appelait... Mongol Step, merci. C'était Mongol Step. En plus, ils ont fait le visu et tout. Et voilà, très propre. Ça, je vous invite aussi, auditeurs qui nous écoutent, à aller trouver ça sur le SoundCloud ou sur le site internet de Subsquad Prod. C'est en libre écoute, en libre téléchargement. Et voilà, c'est la promotion des sound systems du Sud, comme on disait. C'est vraiment à aller écouter parce que c'est très bon. Sinon, niveau session, vous avez quelques souvenirs, vous avez fait quelques grosse date quand même. C'est pas fait une quelle petite date. Soirée au bah, Méloman. Bah, même... quelques soirées au Méloman. Après la plus grosse session qu'on a fait, c'était au Royal. Au Royal. Au Royal. Ouais. Je voulais dire le Royal. Le Royal la... à l'ancienne quand. Celui qui connaît le Royal. Pour les Montpellierains, ils savent. Ça doit être quelque chose quand même de jouer. Peut-être qu'on. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt à ça, c'est vrai. On n'était pas prêt de voir autant de monde. C'était, je crois que c'était la première ou la deuxième fois qu'on sortait vraiment les caissons en public. Et la première fois qu'on jouait en salle, on n'avait aucune idée de ce que c'était que l'acoustique d'une salle. Enfin, c'était une grosse soirée, mais je pense que c'était à refaire, on ferait différemment. Mais c'est dommage que ce soit plus jamais à refaire. Il faudra une première fois pour tout et on aura on trouvera d'autres. On sait jamais. On trouvera d'autres endroits. On, oui. trouvera d'autres. On a pu faire aussi des connexions avec les Garrick Session, une association que vous connaissez peut-être, à la Bergerie. Et depuis, ben, on a fait fermer ce site, malheureusement. Après, c'est quoi une petite histoire, les... il devait y avoir une autre soirée la semaine d'après. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Désolé pour vous. Et du coup, donc tout à l'heure je parlais, vous avez aussi des, tu vois, l'ODB régulièrement à l'Old Dirty Bar à Montpellier, le mardi soir dans le cadre de le dernier mardi du mois. C'est une résidence du coup. Et donc demain on vous retrouve là-bas notamment. C'est ça. C'est ça. Voilà. À partir de 21h30, c'est gratuit. La bière elle est pas chère. Sélection. Les gueules à l'ODB qui nous invite tous les mois. Vinyle et live. Et live, super. Et du coup, au niveau des projets solo, donc tout à l'heure, vous en parliez un petit peu en vous présentant. C'est vrai, moi, j'ai des morceaux, on va dire, de près, mais qui datent un peu. Je voulais sortir un EP pour le label, mais ça s'est pas fait parce que ça a pris trop de temps. Les morceaux sont peut-être trop vieux pour moi, je trouve. On a peut-être le droit de dire que c'est un petit peu un branleur aussi. C'est pas vrai. Je suis un branleur, mais je suis en train de préparer un deuxième EP, du coup. Qui peut-être sortira à son tour. Ouais. Ce sera donc un premier EP. J'aurai deux EP et peut-être j'aurai un album à faire avec ça. Oh. Ah. Ce qui est branleur, même. Ouais, après, il n'y a pas... Enfin, lui, il est sélecteur. Moi tous mes sons sont sur la corde, mais je les sortirai pas. Il n'y a pas de... Ouais, il y a beaucoup de morceaux, en fait. Pour les écouter. C'est surtout en live. Ça reste en exclu. Voilà, tout à fait, c'est Claire, totalement compréhensible. Ça fait partie aussi du charme des sound systems. On en parlait tout à l'heure en décrivant les sound systems. Mm-hmm. Petits morceaux qu'on se garde que pour le live ou pour les sessions. C'est ça. C'est bien raison. Et du coup, oui, d'autres projets à venir, d'autres dates de prévues de sortie de Sono. On va pouvoir vous retrouver vos questions. Oui, j'espère le mois prochain, avant qu'il fasse trop froid. Évidemment, Free Skies aujourd'hui, mais. Il y a moins que le mois prochain, on ressorte les caissons et on va attendre de construire le double de ce qu'on a. Parce que pour l'instant, on a que deux scoops, ce qui est peu. Alors bientôt, on aura les quatre et là, on pourra se relancer avec les Salvatier à chaque fois. Comme on disait, on fait souvent des sound clash, on va dire. Ça a commencé comme ça d'ailleurs avec eux. Et donc ça les clash bien ou... Ouais, bah, au début, on se clashait bien parce que c'était amical mais... Il fallait se tester un petit peu entre nous. Et bah maintenant, on se fait tourner les 4 scoops, les de leur et les de notre. Okay. Et bientôt, il y aura. Eux, ils construisent aussi les leurs. Du coup, ça va être 4 et 4. Ça va être doublé d'ici peu. C'est ça. Est-ce que ce sera prêt pour l'été prochain? Ah oui, ça c'est sûr. Ça. Non, c'est bon. Ouais. Mais bon, on lance ça en janvier, si vous voulez tout savoir. Super. Bah, faudra guetter du coup sur la page Facebook de Salvatche Sound System et de Souls Attack, bien évidemment. Et je vous invite à suivre le label Sub Squad Prod qui est dans la lignée des web labels français et qui, j'espère, deviendra grand. Yes, allez, merci à toi. Tu sortiras ton EP. Le mois prochain. Voilà. Et du coup, à part ça, ouais, d'autres projets au niveau de ce label ou pas? Écoute, pas pour le moment. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut pouvoir tout gérer. Et on a tous une vie à côté, tu le sais. On était dispersés aussi pendant l'été. On avait plein de choses à faire chacun de notre côté. Donc du coup, on s'est pas vraiment penché là-dessus. Mais après, je pense que ça va y avoir une nouvelle compile ou quoi. Ça arrive. Il y a la structure. C'est fait pour. Il n'y a plus qu'à. C'est fait pour et il n'y a plus qu'à balancer, ouais. Super. Bah du coup, est-ce que vous êtes prêts pour la session? On va commencer vinyle. Allez, hein, ouais. Et après, on va continuer en stepper machine. Le temps de s'installer, on se met une pause musicale. On va s'écouter un morceau de Brain Damage. Yes, my lion. You know, my love that beat, yeah. Grandma dub. Yeah, grandma used to put all my little clothes in the tub and scrub and rub, you know. Big up our grandmas. Yes. Long time, old time people story. Now you see, when I was a boy, I remember grandma used to tell me certain things and trust me, I'm gonna see come true or known. This is grandma's fire, above fire below. Yes. Maybe some, you know, fruit, ice cream we used to roll in our machine there. Yeah, you know them ice cold ice machine. Sweet, sweet thing. Was the blessings I say every weekend when grandma made a food. I and I as children would all suck off our big thumbs and each of the other fingers. Yeah, yeah. Mm-hmm. Shake her legs and clap her fingers. So it's sweet enough. Like my grandma pudding. And none of them divide the sweet like a Sunday evening with grandma pudding. Hence, we have no problem, so I say. Kirasai say green for life vision, become husbandman, become husbandwoman, caretakers, participant, players in a reconstruction program of self-sufficiency. And we like to say one aim, one heart, one destiny, food, clothing and shelter. Yes, I... Et tout de suite, sans plus tarder, on lance South Attack Sound System. C'est à vous, les gars. Et en live stream sur Facebook. Thank you. Faithful and true. I won't lie to you. Your love can never undo. Since Jah came in on my life, yes, me have to share it. Green, gold, and red, all the while, yes, me have to wear it. The word Jah given to us, yes, we must share it. The word Jah given to us, yes, we must declare it. Pray diligently, seek His name. The words of Jah we must proclaim. So glad that Jah came in on my life, my supernatural supply. Praises unto the Almighty God, Jah Rastafari. Come make we salute to Jah Jehovah.

getting serious. Cantankerous and very, very dangerous. All I see is wars, and all I hear is wars and rumors of wars. All over this world. All over this world. All over this world, I say. All over this world. It is time to stop your fussing and fighting and correct the wrong you have done. It is time to think

Thank you. Yes, I. Merci à South Attack. C'était South Attack Sound System sur Radio Campus Montpellier dans Campus Sci-Fi. Merci à eux d'être venus. Merci à la technique, à Arnaud qui nous a fait le son, à Clément pour la vidéo. Clément, notre nouveau service civique à Radio Campus Montpellier, qui commence sa matinale. Laisse-moi annoncer la matinale. Attends, j'arrive, auditeur. Écoute-moi. Bonsoir, tu vas bien ? Moi aussi, ça va. Écoute, j'ai une annonce à te faire. Tu sais, lundi prochain, tu vas te réveiller et puis tu vas avoir mal parce que tu dois travailler ou tu dois aller en cours. Écoute, à 8h, tu te branches sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM et ça va être top délire, maigre à groove. Je te souhaite une bonne nuit.